إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله نقضي هذه الحصة مع خطبة تدور حول الأحداث للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ومتع به. Nous allons passer cette séance avec l'une des khutbah qu'a fait son éminence Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Et la khutbah concerne, le sujet de la khutbah, c'est les événements qui se passent dans le monde musulman actuellement. Yaqulu Hafidhahullah wa matta'abih, Alhamdulillahi amara bis-sam'i wa-t-ta'a wa naha 'anil furqati wal-ida'a. Il dit, louange à Allah qui a ordonné le fait d'écouter et d'obéir à qui ? À son gouverneur, et qui a interdit la division et la perdition. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadata man arafa rabbahu fa ata'ah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul maqam al mahmud, wal hawd, wal shafa'ah. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة وسلم تسليما كثيرا. Il dit, j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et qu'il n'a pas d'associé. Une attestation de celui qui a connu son souverain et qui obéit à son souverain. Et j'atteste que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager, qui a la place louée et qui a le bassin et qui a l'intercession. Prière et salutations sur le messager, sur ses compagnons et sur sa famille et ceux qui les suivent à la perfection. يقول أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة تعيشون في هذه البلاد ولله الحمد في أمن واستقرار ورخاء من العيش وفي صحة وعافية تأمنون على دينكم وعلى محارمكم وعلى أموالكم وتأمنون في طرقاتكم وبيوتكم ومساجدكم وفي أصفاركم إن هذا نعمة عظيمة كل ذلك بفضل الله ثم بالتمسك بكتابه ولزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Il dit, حفظه الله تعالى, يا بخي أوجو préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et soyez reconnaissants et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits apparents et cachés. Vous vivez dans ce pays, en parlant de l'Arabie Saoudite, vous vivez dans ce pays, il a louange à Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez la sécurité, la stabilité, l'aisance dans la vie, la vie n'est pas chère, vous avez la santé, vous êtes épargné, vous avez la sécurité dans votre religion, vous avez la sécurité pour vos femmes, pour vos enfants, pour votre fortune, vous avez la sécurité dans les rues, dans vos maisons, dans vos mosquées, dans vos voyages, et ça c'est un bienfait min Allah Azza wa Jal. Et tout ceci découle du fait de se cramponner au livre d'Allah. C'est un bienfait Allah qui découle du fait de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna, et à la sunna du prophète, et le fait de rester dans le groupe, de ne pas sortir du groupe, et découle aussi du fait d'avoir des troubillissons à son gouverneur et d'écouter des troubillissons à son gouverneur. Et il cite le verset où il dit: et votre souverain a dit, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai, et si vous êtes ingrat, mon châtiment est énorme. يقول حفظه الله عباد الله إن أعداكم من الكفار والمنافقين لا يروق لهم ولا يستريحون أن تعيشوا على هذه الحالة فيريدون أن يفرقوا كلمتكم يريدون أن يفسدوا أمركم وأن يشتتوا جماعتكم وأن يسقطوا حكامكم ويفرقوا دولكم. Et les serviteurs d'Allah, vos ennemis parmi les mécréants, parmi les hypocrites, votre situation ne leur plaît pas. Ils seront reposés. Ils n'aiment pas que vous soyez dans la sécurité. Ils n'aiment pas que vous soyez dans les bienfaits. Ils veulent diviser votre groupe. Ils veulent vous ramener le mal dans votre vie. Ils veulent vous éparpiller et faire tomber vos gouverneurs et diviser vos états. يقول إن هذا مشاهد في هذه الأيام لأن الكفار عجزوا عن صد الإسلام وانتشاره في المعمورة لأن الإسلام ينتشر ويزيد ويكثر أتباعه في هذه الأيام بالذات بعد انتشار وسائل الأعلام المسموعة والمقروءة التي تبين هذا الدين وأحكام هذا الدين وبعد انتشار القرآن الكريم تلاوة ومصحفا تقبله النفوس ويلائم الفطر. Et il dit ceci, il est clair, tout le monde le voit devant lui. Et les mécréants aujourd'hui sont incapables de faire une barrière entre eux, une barrière contre l'islam et contre le fait que l'islam se propage à travers le monde. Car l'islam se propage et le nombre des musulmans augmente en ce moment et en ces jours-ci après l'existence et le nombre de médias qui existent, que ce soit les télés, que ce soit les audios, les radios, etc., ou que ce soit les médias écrits ou autres, qui éclairent les gens sur la religion, sur les lois de cette religion, et après que le Coran soit propagé, que ce soit au niveau de la lecture, ou au niveau des masahif qui se trouvent un peu partout, et la lecture de ce Coran est acceptée par les âmes, parce qu'il convient à la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les humains. يقول فلذلك لا يزال يمتد ولا يزال الدخول في الإسلام مستمر على ضعف من أهله ولكنه دين قيم تتقبله النفوس الطيبة فلما رأى الكفار ذلك وأنه لا يمكن صده بالقوة لجئوا إلى طريقة خبيثة وهي تفريق المسلمين وإسقاط دولهم حتى تعم الفوضى وحتى ينتشر سفك الدماء وتضيع الأموال والفروج ويفسد الأمر عند ذلك تقر أعينهم ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد فإنه ناصر دينه رغم أنوفهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Il dit حفظه الله تعالى: l'islam ne cesse de se propager et les gens rentrent dans l'islam, ils se convertissent à l'islam malgré la faiblesse des musulmans. Mais l'islam est une religion de droiture que les nobles âmes acceptent. Et quand les mécréants ont vu ceci et qu'ils ne peuvent pas barrer la route à l'islam par la force, ils sont allés à des voies, à utiliser des voies qui sont impures pour diviser les musulmans et pour anéantir leurs états et pour que l'anarchie s'instaure dans leur pays et pour que se propage le fait de couler le sang des innocents dans les pays et pour que les fortunes soient lapidées et pour qu'il y ait des viols et l'insécurité, pour que la situation devienne mauvaise. Et une fois que la situation arrive à ce moment-là, ils sont contents. Ils sont apaisés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les attend au tournant. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala fait triompher sa religion malgré les mécréants et malgré ce qu'ils font, malgré leur manigance, malgré leur stratégie. Ils citent le verset, ils veulent faire éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala parachève sa lumière, même si les mécréants le détestent. C'est lui qui a envoyé son messager avec la science bénéfique et avec la bonne œuvre, pour que cette science bénéfique et cette bonne œuvre prennent le dessus sur toutes les religions, même si les associateurs ne le veulent pas et le détestent. يقول فلن يستطيعوا صد الإسلام مهما حاولوا أغلقوا المراكز الإسلامية في بلادهم ومنعوا الجمعيات الخيرية بحجة أنها تفرق التطرف بزعمهم وهي إنما تنشر الإسلام تنشر الإسلام الصحيح لكن جاءوا بهذه الفرية أنها تنشر التطرف وهي بريئة من التطرف وإنما تنشر الوسطية والاعتدال لكنهم لا يريدون هذا الإسلام مثل أسلافهم من أبي جهل وأبي لهب وأضرابهم وماذا حصلوا وماذا حصلوا عليه إلا الخيبة والخسار ونصر الله دينه وأعلى كلمته رغم أنوفهم. Il dit, mais ils ne peuvent pas faire barrière contre l'islam. Ils ne peuvent pas empêcher la propagation de l'islam. Alors qu'ils ont fermé les centres islamiques dans les pays occidentaux, dans leurs pays, dans les pays de la mécréance. Ils ont interdit les associations de bienfaisance, prétextant comme quoi ces associations sont le moyen pour véhiculer l'extrémisme. Alors que ces associations de bienfaisance ne propagent que l'islam authentique. Ils ont ramené ce mensonge et ils ont propagé ce mensonge comme quoi ces associations sont l'origine de l'extrémisme. Et ces associations sont innocentes de ce qu'ils leur collent. Mais ces associations propagent le juste au milieu, la justice, mais ils ne veulent pas cet islam. Les mécréants ne veulent pas cet islam comme leurs aïeuls. Comme Abu Jahl, Abu Lahab et ceux qui sont sur la même voie qu'eux. Qu'est-ce qu'ils ont gagné à la fin? La perte. Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher sa religion et a fait que sa parole soit la plus haute malgré les mécréants. Yaqul, wa laysa hadha bi'ajabin min kaydi al-kuffar, innama al-ajab an yankhadi'a bihadha ba'd al-muslimin. خصوصا أصحاب الفكر الذين لا يدركون عواقب الأمور فأصبحوا يؤيدون هذا الشيء ويقولون الحكام الظلمة والجائرون ويقولون الحرية حرية الكلمة الديمقراطية نيل الحقوق المهضومة إلى غير ذلك. Cher de dire, ceci de la part, le fait que les mécréants agissent ainsi, ceci n'est pas étonnant de la part des mécréants. Mais ce qui est étonnant, c'est que certains musulmans se font avoir par ces idées. C'est là où il y a l'étonnement. Certains qui se disent les gens de l'esprit, de la pensée, et qui ne savent pas vers où, comment ça va se terminer la situation, ceux-là, aujourd'hui, donnent appui à ces prétentions. Ils disent, les gouverneurs sont injustes. Les gouverneurs ont dépassé les libertés et ils disent, nous voulons les libertés, la liberté de la parole, la démocratie, nous voulons avoir les droits, nos droits qui ont été spoliés. Mais frère en Allah, Azza wa Jal, il faut que tu saches que la démocratie c'est de la mécréance. Et j'ouvre une parenthèse, je te dis les principes de la démocratie, la fraternité, la l'égalité et quoi encore? Et la liberté. La liberté qu'ils veulent, c'est le libertinage. C'est-à-dire la reconnaissance de l'homosexuel, qu'ils puissent avoir des enfants, qu'ils puissent adopter, etc. Voilà ce qu'ils veulent. La liberté qu'ils veulent, c'est la destruction de l'islam. Tu prends par exemple dans la constitution égyptienne, le deuxième point de la constitution égyptienne, le deuxième point de la constitution égyptienne, c'est que l'islam est la religion officielle de l'État. Là, ils disent non, on ne veut pas, il faut l'enlever. Tout le monde est libre. L'égalité qu'ils veulent, c'est de mettre l'associationnisme et la Trinité en même pied d'égalité que l'islam et le monothéisme. Et celui-ci s'est contre-exisé. Tout le monde l'a vu sur le terrain de la libération en Égypte. Quand tu as vu ceux qui prient et ceux qui ont l'évangile dans leurs mains. Hein? Voilà. Avec ça, qu'est-ce qu'on va vers quoi? Vers le fait de détruire l'un des principes fondamentaux des croyances qui est quoi? L'alliance et le désaveu. Tout le monde est égal. Yahri, comment tu peux mettre à pied d'égalité un associateur et un monothéiste? C'est quoi ça? Hein? Et c'est ça la fraternité vers laquelle ils veulent aller. Quant à la liberté, ils veulent détruire des lois qui sont dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est, pour ce qui concerne le partage de l'héritage, c'est de mettre les hommes comme les femmes à même pied d'égalité, et avec ça, agir contrairement à ce que a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala et a ordonné le messager alayhi salatu wassalam. C'est ça la démocratie akhal islam. Ne te fais pas avoir. C'est de la mécréance, akhi. وعودة إلى ما يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ولا يدرون أن العلاج ليس بهذه الطريقة وأن هذه طريقة ماكرة من أعدائهم والكفار وصاحبهم الغوغاء والجهال الذين لا يعرفون عواقب الأمور ولا يدرون عن الدعايات الباطلة والمزورة فهم ينظرون إلى بريقها وتزويرها ولا ينظرون إلى عواقبها فأصبحوا يخربون بلادهم كما قال الله عز وجل في اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين هذا في اليهود أما قضية المسلمين اليوم فهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكفار نسأل الله السلامة والعافية. Il dit, Havidallah Ta'ala, revenons à la lettre de, à la khutbah du Sheikh, il dit, et ceux-là ne savent pas que le remède de la communauté n'est pas dans cette voie-là, n'est pas dans la voie de la démocratie, n'est pas dans la voie des révoltes, n'est pas dans la voie des manifestations, abadan akhal islam. Et que ça, c'est une voie des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ignorants de la communauté, le commun de la communauté ont couru derrière ces mécréants et derrière ces voies créées par les mécréants. Car ils ne connaissent pas la fin de la situation. Ils ne savent pas que ces emblèmes tirés pour ces manifestations, que ces emblèmes tirés et ces titres qu'on donne à ces révoltes, à ces manifestations, ils ne savent pas que ceci est faux. Malgré qu'ils sont embellis par les belles paroles, ils ne savent pas regarder la fin de la situation où ce qu'il va arriver. Ils sont en train de détruire leur pays. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala concernant les juifs, ils détruisent leur maison avec leurs mains et les mains des croyants. Ça, c'est les juifs qui étaient ainsi. Mais en ce qui concerne les musulmans aujourd'hui, et la situation des musulmans aujourd'hui, ils sont en train de détruire leur maison avec leurs mains et les mains des mécréants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. فَيَجِبُ التَّنَبُّهُ لِهَذَا وَعَدَمْ لِغْتِرَارِ بِهِ. والله عز وجل قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليهم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Il dit حفظه الله تعالى. Il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas se faire avoir avec ses prétentions. Il ne faut pas se faire avoir avec ses prétentions. Et il cite ce verset, il dit, Et c'est lui qui est capable, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui est capable de vous envoyer un châtiment. Soit le châtiment va vous venir d'en haut, ou alors d'en bas, vous allez être engloutis sous terre. Ou alors, il va faire que les uns vont se combattre les autres parmi la communauté. Les groupes vont se combattre, vont faire quoi? Vont rentrer en guerre entre eux. Et ils vont subir le châtiment les uns aux autres. Regarde comment on fait. Hein, les signes, comment on fait apparaître les signes pour des gens qui comprennent? Et ton peuple a démenti tout ça alors que c'est la vérité, mais tu n'es pas responsable d'eux. Hein? Hakada, يقول الشيخ هكذا شأن أصحاب الأفكار السطحية من الغوغاء والعامة وأصحاب الأفكار الملوثة والمثقفين الذين ليس عندهم بصيرة ليس عندهم علم من كتاب الله وسنة رسوله وهو القادر سبحانه وتعالى على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أي من السماء بالصواعق المهلكة والأمطار المدمرة وغير ذلك من الآفات السماوية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Il dit, il en est ainsi de la pensée de ces gens qui se disent des penseurs. Hein? Ils ont des pensées qui sont sommaires, tout simplement. Hein? Et il en est ainsi de la situation du commun et de ceux qui portent les pensées qui sont polluées et de ces intellectuels. Hein, qui n'ont pas de clairvoyance, qui n'ont pas de science du livre d'Allah et de la sunna du prophète, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, c'est lui qui est capable de vous envoyer un châtiment du ciel. Il envoie des trucs pour nous détruire du ciel, que ce soit la pluie, que ce soit des éclairs, que ce soit tous les moyens, toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout détruire. Hein? Il envoie des châtiments différents du ciel directement. Et ces moyens pour châtier ne les connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Aw min tahti arjulikum bil khusufat والزلازل التي تدمر البلاد وتتقطع بها الأرض كما تعلمون مما يحصل من الزلازل والبراكين الآن. Ou alors il vous envoie des châtiments au-dessus de vos pieds, il vous vient de la terre, comme le fait de se faire engloutir, les tremblements de terre, les volcans, hein, les tremblements de terre qui coupent et qui cassent les pays, et tout ce que vous voyez, tout ce qui arrive avec les tremblements de terre et avec les volcans, tel ce que nous voyons actuellement. Aw min tahti arjulikum, hada kulluhu bi qudrati Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le châtiment va venir d'en bas. Et tout ceci arrive avec la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aamintum man fis samaa'i yakhsifu bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa nadhir. Est-ce que vous avez la sécurité que celui qui est au-dessus de tout, au-dessus des sept cieux, au-dessus du trône, qu'il ne vous fasse pas engloutir sur terre, parce que cette terre bouge et qu'il l'anéantisse? Est-ce que vous avez la sécurité qu'Allah Azza wa Jal ne va pas vous envoyer des choses pour vous lapider du ciel? يقول حفظه الله إنه يجب على المسلمين أن يتبصروا في هذا الأمر وأن يتثبتوا وأن يكلوا هذا الأمر إلى أهل العلم وأهل الرأي والبصيرة ليحلوا هذه المشاكل. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Et il dit, Abidallah Ta'ala, il est obligatoire aux musulmans d'avoir la clairvoyance dans cette situation. Hein? Et qu'ils soient fermes. Hein? Et que les situations, ils doivent les faire revenir vers ceux qui en sont dignes et qui sont les spécialistes. Les hommes de science, les hommes qui ont la clairvoyance pour régler le problème. Et pour trouver les solutions au problème. Car il est dit dans le verset, quand il leur arrive une situation de sécurité ou de peur, ils la propagent. Alors, s'il la faut ramener à Rasoul, c'est-à-dire à la sunna du prophète, après la mort du prophète, et à Oulil Amr, c'est-à-dire aux hommes de science et aux spécialistes en la matière, ceux qui savent vont extraire les jugements adéquats à la situation. Et non pas le commun, non pas les journalistes. Abadan akhad islam. Hein? Les journalistes excitent les populations. T'as vu ce que fait le Khazira et les journalistes d'Al Khazira? Ils excitent les populations contre leur gouverneur. Ils poussent les gens à la révolte. L'ayadan billah. Ils poussent les gens à sortir dans les rues, à tout détruire. رجوعا الى ما قاله الشيخ يقول التحذير الثالث في قوله او يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم باس بعض هذه اشد من الزلازل والبراكين واشد مما ينزل من السماء اذا ماج المسلمون بعضهم في بعض يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض هذا اشد والعياذ بالله. Et dans le troisième avertissement dans le verset, il dit, et c'est le pire, il dit, où des groupes vont combattre d'autres groupes parmi les musulmans. Ici, là, c'est la situation la pire. Hein? Certains vont prendre les armes contre les autres. Ils vont prendre comme butin les femmes des autres. Ils vont prendre comme butin la fortune des autres et les biens des autres. Et c'est là, c'est la situation la plus pire. Hein? ولهذا استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذا استعاذ عند قوله تعالى أو يلبسكم شيعا أي فرقا وأحزابا وجماعات متشتتة ويضيق بعضكم بأس بعض فيهلككم بأيديهم ولما دعا الله ألا يهلك أمته بسنة عامة يعني بجدب عام وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم استجاب الله له في هذين المسألتين ولما دعا ربه ألا يسلط بعض أمته على بعض منعه من ذلك ولم يستجب له فالخطر شديد يا عباد الله. Il dit, Habibullah ta'ala, c'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a cherché refuge et a demandé protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a lu le verset et que certains groupes vont combattre d'autres, ils sont tués avec d'autres, hein, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse pas anéantir cette communauté par la famine ou par des grandes catastrophes. Famine, etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui a exaucé celle-ci. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala n'anéantissent pas cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé ce dua. Que cette communauté ne sera pas anéantie par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et quand il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que les uns ne s'entretuent pas, que les musulmans ne s'entretuent pas entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas accepté. Il ne lui a pas exaucé. La situation est dangereuse, frère en Allah Azza wa Jal. وعلينا أن نعرف مكائد عدونا ولا ننخدع بها من هذه المواعيد الكاذبة يعدهم هذه مواعيد الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Et nous devons faire très attention, frère en Allah Azza wa Jal. Nous devons faire très attention aux ruses et aux manigances et aux stratégies de l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de notre ennemi. Qu'on ne doit pas se faire avoir par ces belles promesses, par ces belles paroles. Tu n'as qu'à voir ce qui s'est passé avec ceux qui se sont fait avoir par les promesses, hein, des états de mécréance. Comment ils les ont laissés tomber? On ne doit pas se faire avoir par, hein. Et il cite le verset. Shaitan leur fait de promesses, leur donne des espoirs, et Shaitan ne leur fait, hein, leur fait miroiter les bonnes choses, hein, tout simplement. Confond les mécréants avec les musulmans. قال في أهل بدر من المشركين وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان جيش المسلمين وجيش الكفار فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال للكفار إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون يرى الملائكة مع الصحابة الشيطان يرى الملائكة مع الصحابة وهو لا يقابل الملائكة إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Et quand Shaitan a dit aux gens de Badr parmi les associateurs, aux mécréants de Quraysh, quand il y a eu les deux armées se sont fait face, l'armée des monothéistes avec le prophète et l'armée des mécréants avec le Quraysh, il est dit dans le verset, quand Shaitan leur a embelli leurs actes, il leur a dit aujourd'hui, personne ne pourra vous vaincre, et je suis avec vous. Et quand les deux armées ont fait face, l'armée musulmane et l'armée de mécréants, il s'est sauvé. Shaitan s'est sauvé. Il n'a pas tenu sa promesse. Ce qu'il leur a promis, il s'est sauvé. Et il a dit aux mécréants, je suis innocent de vous. Je vous dis à vous, je vois ce que vous ne voyez pas. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les anges avec combattre avec les compagnons, radouanallah alayhim. Et lui, il ne peut pas faire face aux anges. Il ne peut pas se trouver en face des anges. Mais il s'est sauvé. Je vois ce que vous ne voyez pas. Et j'ai peur d'Allah. Et Allah a le châtiment de l'heureux. Fait subir le châtiment de l'heureux. Wa min qabl zayyana lil abawayn alayhim assalam al-akl min ash-shajara allati naha 'an al-akl minha nuhiya 'an al-akl minha wa qala ma nahakuma rabbukuma 'an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما إلى آخر الآية. Et auparavant, il a embelli la situation à nos parents, à savoir à Adam et à Hawa alayhi salam. Il leur a embelli la situation pour manger de l'arbre que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. Et comme il est dit dans le verset, il leur a dit, votre souverain vous a interdit de manger de cet arbre, parce que si vous mangez de cet arbre, vous allez être des anges, ou vous allez être parmi les éternels, vous allez avoir l'éternité. Et il leur a fait le serment, je suis d'un bon conseil pour vous. Et il les a induits en erreur. Ils se sont fait avoir par Shaitan. Et quand ils ont goûté de l'arbre, à ce moment-là, ils ont vu leur partie intime se dévoiler. Jusqu'à la fin du verset. Wa qala li Adam, hal adulluka ala shajarati al-khuld wa mulki la yabla. Yamdahu ash-shajara allati nahahu Allahu 'an al-akl minha. فآدم طمع في هذا فتناول من الشجرة فحصل ما حصل وأخرج من الجنة بسبب ذلك وهبط إلى الأرض لكنه تاب إلى الله فتاب الله عليه فتلقى من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إيه الشيطان دي آدم tu veux que je te montre l'arbre de l'éternité, il y a un royaume qui va jamais se finir. Shaitan faisait l'éloge de l'arbre. L'arbre que Allah subhanahu wa ta'ala interdit à Adam. Et Adam, comme tout être humain, a envie d'avoir l'éternité. Et donc, il a mangé de l'arbre. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala est sorti du paradis. Il a fait descendre sur terre. Mais Adam s'est repenti. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir d'Adam. Et il est dit dans le verset, Adam a reçu des paroles de son souverain. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir, car Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur et celui qui accepte le repentir et il est le clément. Yaqul le cheikh Hafidhahullah, fantum ya ghawra, ya ashab al-afkar dani'a. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى مثل ما تاب الأوابوان لعل الله أن يغفر لنا ولكم وعودوا إلى رشدكم ولا تنخدعوا بهذه الدعايات التي تروج بطرق خفية تروج كما تعلمون في الأنترنت وفي المواقع الفضائية وفي القنوات الفضائية يحرضون على الفتنة فإذا سمعها أو رآها الغر أو صاحب الهوى أو صاحب الفكر الملوث اغتر بها وصار يمدحها ويقول هذا هو الحق نسأل الله العافية. Il dit, vous qui ne comprenez rien, vous qui avez des pensées qui sont viles et qui sont au plus bas degré, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala comme s'est repenti vos parents. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala il va nous pardonner à tous. Et revenez vers la raison. Et ne vous faites pas avoir avec ce qui se propage. Ne vous faites pas avoir avec tout ce qui se propage par tous les moyens, par ces moyens, que ce soit par l'internet, que ce soit par les télés et les chaînes de télé, et qui incitent les gens à la fitna, et qui poussent les gens à la fitna, et qui les excitent à se rebeller et à se révolter. Et quand ils entendent ces paroles de l'excitation qui les excitent, etc., ou quand le commun, il voit tout ça, et quand ceux qui suivent leur passion voient tout ça, et quand ceux qui ont les pensées pollués voient tout ça, ils se font avoir par tout ça. Et ils commencent à faire l'éloge à ces rébellions et à ces propagandes. Hein? Et ils disent ça, c'est la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il y a quoi le cheikh ? Wa huwa la yadri kalladhi yahfiru li hatfihi bi dhalfihi. أو كالذي يحفر قبره بيده وهو لا يشعر فلا ننخدع بالكفار يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الله إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يقول حفظه الله تعالى et les personnes qui agissent ainsi ne savent pas qu'ils sont en train de creuser leur tombe eux-mêmes, c'est eux-mêmes avec leurs mains qui creusent, ils sont en train de creuser leur tombe. Ils ne le sentent pas, ils ne le savent pas. Il ne faut pas se faire avoir par les mécréants à l'islam. Car il est dit dans le verset, « Ou vous qui avez cru, si vous obéissez aux mécréants, ils vont vous faire ramener en arrière. Ils vont vous sortir de l'islam. Et vous allez être parmi les perdants. C'est Allah votre allié. » Et c'est celui qui va vous donner le triomphe. Hein? يقول بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم امين. يقول في الخطبة الثانية après le dua à la première khutba, il dit dans la deuxième partie de la khutba, الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقي وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, اتقوا الله عباد الله, اتقوا الله. يقول قال عز وجل فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Et après les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et l'attestation, il dit aux gens, préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cite un verset, ne vous faites pas avoir par la vie de ce bas monde. Ne vous faites pas avoir par la vie de ce bas monde. Et sachez que Shaitan, c'est votre ennemi déclaré. Prenez-le comme tel, c'est-à-dire prenez-le comme ennemi. Il appelle son parti pour qu'il soit parmi les gens de l'enfer. يقول نحن لا نقول إن الولاة معصومون ولا يحصل منهم أخطاء ولا يحصل منهم ظلم لا نقول إن الشعوب ليس لها حقوق لا نقول هذا بل نقول الشعوب لها حقوق والولاة ليسوا معصومين ويحصل منهم ما يحصل ولكن ليس العلاج بالفوضى والمظاهرات والتخريب وإحراق المرافق العامة ليس حل المشكلة بهذه الطريقة. Al-mushkilatu, il dit Habibullah Ta'ala, nous on ne dit pas que les gouverneurs des pays de l'islam sont épargnés de l'erreur ou ne font pas d'erreur. On ne dit pas qu'ils sont exempts de l'erreur et qu'ils ne commettent pas des erreurs. Abadan, on ne dit pas que les gouverneurs ne font pas subir l'injustice. Et on ne dit pas non plus que les populations n'ont pas de droits. Abadan. On dit que les populations ont des droits. Et on dit aussi que les gouverneurs ne sont pas exemples de l'erreur. Et font subir certaines injustices, etc. Et commettent des erreurs. Mais le remède à la situation, c'est pas l'anarchie. Le remède à la situation, ce n'est pas les révoltes. Le remède à la situation, ce ne sont pas les manifestations et la destruction. Et le fait de coller les sons, et le fait de brûler le bien commun et le bien des individus. Ce n'est pas la solution pour le problème. Ça, ce n'est pas la voie pour régler ce problème. يقول المشكلة تحل بما ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا Il dit, mais pour résoudre ce problème, la solution de ce problème, elle est dans ce qui est cité dans le Coran, dans ce verset. Quand se présente à eux une situation, que ce soit une situation de sécurité ou de peur, ils la propagent. Alors, s'ils la ramenaient vers le messager, c'est-à-dire quand il était vivant, et vers la sunna du messager quand il était mort, et vers les hommes de science et les gouverneurs et les spécialistes, ceux qui savent extraire les lois de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna et de la sunna du prophète vont extraire la solution adéquate. Et si ce n'est les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous et sa clémence, vous allez suivre Shaitan seuf peu parmi vous. يقول فإذا جاءهم أمر من الخوف مثل ما يحصل الآن أو من الأمن فلا يستعجل العوام والغوغاء والدهماء وأصحاب الفكر المحدود لا يستعجلون بالبحث فيه ونشره وإبداء الآراء فيه هذا ليس من شأنهم هذا يرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته وإلى أولي الأمر وهم أهل العلم وأهل السياسة والعقل وولاة الأمور فيحلون هذه المشاكل ويضعون لها الحلول الناجحة بإذن الله عز وجل Il dit, quand il leur arrive une situation de peur ou de sécurité, comme il leur arrive une situation de peur, comme ce qui arrive maintenant, ou de sécurité, que l'awam, que le commun des musulmans ne se presse pas à le propager, que ceux qui ont les pensées très limitées ne soient pas pressés à traiter le sujet et à le propager et à y mettre leur opinion. Ceci, ce n'est pas de leur domaine. Ça ne leur appartient pas. Ceci doit être ramené vers le messager alayhi salam durant sa vie. Sinon, vers sa sunna après sa mort alayhi salam. Et, aoulil amr, c'est-à-dire les hommes de science et les gouverneurs et les spécialistes de la politique et ceux qui sont doués de raisons saines. C'est eux qui doivent trouver la solution. C'est eux qui doivent régler le problème. C'est eux qui doivent ramener la solution, Inch'Allah. يقول هذا هو طريق الحل في هذه المسألة ويتولى ذلك أهل العلم وأهل الرأي من الرعية أهل الرأي والبصيرة والعقول ما هو بالفوضى والدهماء والفوضى والمظاهرات هذه ما تزيد الأمر إلا شدة والعياذ بالله Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, la voie de la solution à ce problème, c'est que la situation doit s'en occuper les hommes de science dignes du nom. Pas n'importe qui, les grands hommes de science qui doivent occuper les gens. Et les gens qui sont doués de clairvoyance parmi les populations et qui sont spécialistes dans différents domaines et qui craignent Allah Azza wa Jal. Hein? Le problème ne va pas se régler avec l'anarchie. Le problème ne va pas se régler avec le fait que les communs écrient. Hein? Le problème ne se réglera pas avec la révolte. Le problème ne se réglera pas avec les manifestations. Tout ceci ne fait qu'augmenter l'anarchie. Il ne fait qu'empirer la situation que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. يقول وأما العواقب بعدها انفلات يحصل انفلات في الأمر وإذا انفلت الأمر ضاعت الحقوق هم يطالبون بحقوق قد تكون يسيرة أو يصبر عنها لكن تضيع الحقوق عامة ولا يبقى حق نسأل الله العافية Et il dit, quant à la fin de la situation, quand on rentre dans ces manifestations, dans cette anarchie, hein, la situation va échapper à tout le monde. Et une fois que la situation échappe, il n'y aura plus de droits. Eux, ils demandent des droits. Hein? Peut-être que ce qu'ils demandent, ils peuvent. Hein? Si ils ont duré, ils patientaient sur l'injustice, hein, du gouverneur, peut-être que ces droits généraux ne vont pas être négligés. Mais une fois qu'eux ils sortent, et qu'il y a l'anarchie, etc., ben tout, il n'y a plus de droits, c'est fini. Hein? Le bain de sang, les biens sont brûlés, et ainsi de suite. Tout ce que vous voyez maintenant, combien de morts sont morts? Hein? يقول فالواجب أن نتبصر في هذا الأمر وأن نرده لأهل الشأن ليقوموا بحله وإبداء الآراء الناجحة فيه لا نتعجل في هذا الأمر كل يبدي رأيه حديث المجالس لا هذا لا يجوز هذه فوضى فوضى فكرية تؤول إلى فوضى بدنية نسأل الله العافية il dit l'obligation de tout un chacun et l'obligation qui s'impose à nous, c'est d'avoir la clairvoyance de la situation. Et que cette situation, nous devons la ramener vers ceux qui en sont dignes, les spécialistes qui vont accomplir, qui vont trouver les solutions, hein, et qui vont nous montrer le chemin, le bon chemin pour régler tout ceci. Hein, et non pas et qu'on ne soit pas pressé à régler ce problème nous-mêmes. Chacun il émet son opinion et que la situation devient le discours de tout le monde. Là maintenant, tout le monde il sort de la mosquée, il veut son opinion, etc. Vazinta, hein? Monsieur règle tout. Hein? Ceci c'est une fauda, c'est une anarchie au niveau de la pensée. Et l'anarchie au niveau de la pensée amène à quoi? À l'anarchie publique et aux assassinats. Au brûle, à la destruction et ainsi de suite que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. يقول فلنتق الله بأن في أنفسنا وفي بلادنا وفي إخواننا وننصح من يغتر بهذه الأمور ونبين له الطريق الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم Il dit, حفظه الله تعالى, nous devons préserver les droits de Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne nos personnes, en ce qui concerne nos pays, en ce qui concerne nos frères. Et nous devons être des bons conseillers à ceux qui se sont fait avoir par ces pensées. Hein? Et nous devons leur montrer le bon chemin concernant cette situation, car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous l'a montré. Et il cite le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala vous agré trois choses. Que vous l'adorez sans lui faire d'associé. Aucun associé. Et que vous vous cramponniez au livre d'Allah. Hein? Tous. Et à la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, tous. Et que vous ne vous divisiez pas. Et que vous soyez d'un bon conseil à ceux qui vous gouvernent. يقول وليس من النصيحة الخروج عليه وإعلان العصيان له ليس هذا من النصيحة النصيحة أن يأتي إليه أهل الحل والعقد وأهل العلم فيكلمونه في هذه الأمور ويبينون له هذا هو الحل الصحيح Il dit, ça fait pas partie du conseil le fait de se révolter contre ce gouverneur et de déclarer la désobéissance à ce gouverneur. Ceci ne fait pas partie du conseil. Le conseil, c'est que ceux qui sont doués de raison, les spécialistes, les hommes de science, doivent aller le voir et le conseiller, et lui montrer, hein, la situation, comment il doit être. يقول نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. Et il dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accomplir tout le monde sur la voie qu'il agrée. يقول فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Il dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accomplir tout le monde sur la voie qu'il aime et qu'il agrée. Et il dit, préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, serviteur d'Allah. Et sachez que la meilleure La meilleure des paroles étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure des guidées étant la guidée de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et les pires des choses, ce sont les innovations. Et toute innovation, hein, tu sais les nouveautés. Et toute nouveauté est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Bien sûr, les nouveautés dans la religion. يقول وعليكم بالجماعة عليكم بالجماعة il dit cramponnez-vous, restez dans le groupe, c'est-à-dire ne sortez pas contre vos gouverneurs, ne désobéissez pas à vos gouverneurs. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. Et il dit ainsi a dit le prophète عليه الصلاة والسلام, ainsi a conseillé le prophète عليه الصلاة والسلام de rester dans l'obéissance à son gouverneur et de ne pas sortir de l'obéissance de son gouverneur. Et car Allah subhanahu wa ta'ala est avec le groupe. Et celui qui se marginalise, ben il va être marginal au feu de l'enfer. يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Il cite le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses gens font la prière sur le messager, sur le prophète d'Allah, ou vous qui avez cru. Faites la prière et les salutations sur le messager d'Allah. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين, اللهم دمر أعداء الدين, اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا, برحمتك يا أرحم الراحمين, وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول هذا منقول من موقع الشيخ, يقول ما يشاع أن معالي الشيخ يخصص قناة معينة وشخص معين غير صحيح. Et certains propagent que الشيخ quand il a fait cette خطبة il concernait désigner une chaîne particulière ou une personne particulière. Et ceci, ce n'est pas vrai. Hein? Ça les concerne. Tous ceux qui propagent le mal sont concernés. Hein? Et comme moi j'ai dit, le khasira, etc., c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Hein? Tout simplement. Mais Cheikh n'a désigné ni le khasira ni kada. Il khasira, il restera toujours le khasira. Hein? C'est la gangrène de cette communauté. C'est le poison de cette communauté. C'est le cancer qui grignote cette communauté. Depuis sa création, ils ne cherchent que les zizanes. Qu'à attiser la haine des populations contre leurs gouverneurs. Hein? Tu les entends. Où sont les gouverneurs? Où est la justice dans les pays arabes? Où est la justice chez les gouverneurs musulmans? Et Vazinta, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Et comme je te l'ai dit déjà, tu regardes dans les archives d'Al Khasira et tu regardes comment il parle ce langage. Il a dit, deux mois après, il y a eu la révolte, il y a eu la zizanie dans les pays de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et là, s'arrête cette série de cours, inshallah, pour cette visite. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum, ahsallahu alaykum, jazakumullahu khairan.